L'éclat avance, froid de morsure. L'éclat s'approche, mort de faim. Miroir de mon pur noir, si par les sans cesse l'éblouir. Chaque jour.